c'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Capo des capis. Ce soir, ladies and gentlemen, Planète Rap Alonso. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée en ce jeudi soir avec Monsieur Alonso. Comment va? Bonsoir, bonsoir la France. Fredo, ça va? Comment vas-tu? Tu te languis de demain à la journée ou pas? Je me languis avec la sortie du projet. La sortie du projet, mais c'est même pas demain, c'est à 1h du matin. Oui, c'est vrai. Soir, c'est vrai ce soir à 1h du matin. Demain en plus, on balance un clip dès la sortie, featuring Benage de 40 000 Gang, 92i. Donc voilà, journée très chargée. Nouveau clip demain. Ouais, nouveau clip demain à 19h. Le morceau il s'appelle Cauchemar. C'est featuring Benage. Et puis en effet, dans 4-5 heures maintenant, hein, ceux qui ont précommandé l'album, vous l'aurez directement. Exactement. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et ceux qui aiment bien l'objet seront servis aussi demain. Ouverture des magasins, vous aurez l'objet. Exactement. Toi t'es quoi? T'aimes bien les avoir sur le portable? T'aimes bien quand même avoir l'objet toujours en main quand tu commandes quelque chose? Je t'avoue, quand je soutiens, parce que je soutiens beaucoup, j'achète pas mal de projets, je le prends sur mon portable. Après, quand c'est le mien, quand c'est la famille, j'aime bien avoir l'objet. Tu sais, moi je suis de la génération qui a fait quoi, qui a fait l'instru. Ouvrir la pochette, en plus elle est belle, hein. Franchement c'est Coria qui a bossé sur la pochette et elle est magnifique. Bon, ça s'appelle Capo des Capis, ça arrive là d'ici quelques heures pour ceux qui l'ont précommandé demain dans les magasins. On va présenter un invité dans quelques minutes, mais là on débute comme chaque soir avec Finilé. Bon programme, ce morceau, très bon programme. Allez, c'est parti maintenant, Alonso sur Skyrock. Ils sont forts, petit mesquine. J'suis là depuis Luciano. Get out shit. Parlons français. Tu n'as pas percé. J'te jure sur mon fils. Ils ont pas un euro. Je n'ai jamais fait semblant. Dégainer des délinquants. J'ai tout niqué avec la psychiatra. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim Finilé. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit Finilé. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie Finilé. Même mes enfants innocents me disent papa Finilé. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sauts dans rap, parfois. Je reste que par amour pour les abattre. C'est la bagarre, faut que ce soit rentable, mais qui rivalise? Qui? J'sais pas, tu es bizarre, j'vais te baiser ta race, ramenez-moi les calibres. Si ça part en couille dans le rap game, enterre-moi à Fumboni. Protéger ma mère si elle souffre, j'ai pas fini. On dit que je rappe pour les minots. 82 ans, j'ai pas mûri. Toujours crapuleux sur le piano. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim Finilé. Ce soit des appels, des pommettes, des quartiers chauds, Marseille me dit Finilé. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie Finilé. Et mes enfants innocents me disent papa Finilé. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans rap, parfois. Je reste que par amour pour les abattre. Les rappeurs bavent, j'emmène à boire. J'vous pisse à l'arrêt, j'suis un bâtard. Dis-moi qui sont ces pélos. Je suis Alonso, je vous fais Hagar, je suis le capitaine Capo. Marseille, je suis le capitaine Capo. Marseille, je suis le capitaine Capo. Je suis le capitaine Capo. Capo des Capis. À 1h du matin, l'album sera disponible sur iTunes. Mame. Merci à tous ceux qui soutiennent. Depuis putain d'année, mamé. On leur roule dessus. Capot des Capis volume 1, ce qui veut dire qu'il y en aura d'autres, mais en attendant, il faut profiter de celui-ci qui sort demain ou alors tout à l'heure. Hein, pour ceux, on peut encore précommander maintenant, on peut y aller. Oui, toujours, toujours, toujours. Allez-y, vous retrouverez les 17 titres. Il y a 12 titres de toi, Alonso. Ouais. Et avec des collaborations. Et des collaborations. Mais il y a des aussi, intervenants. Il y a des intervenants. C'est taille. C'est l'esprit mixtape, justement, de ce projet. De taille. Donc, on a pu en découvrir quelques-uns cette semaine. Yes. Et là, il y en a un aussi qui est là parmi nous. Ouais, qui n'est pas inconnu. Oui, parce que c'est pas la première fois. Qu'on collabore. Que vous collaborez ensemble, ouais. On est ensemble fort comme jamais. Ah, boy. Voilà. Normalement, les gens reconnaissent qu'avec son cri, c'est Hussein. Hussein, comment ça va? Ça va, hein. En pleine forme? En pleine forme. Ça va, tout va bien? Tout va bien, je reviens de vacances, je suis requinqué. Content d'être sur le projet? Bah écoute, toujours content, surtout quand c'est pour Alonso. Donc on est là, on répond présent. Alors petite plus présentation d'Hussein. Alors c'est vrai qu'on t'avait écouté sur le précédent projet, voilà, sur RDC, sur fait son bronzé à vie. Sur règlement de compte. Voilà. Un petit mot, un petit CV express de ce que tu fais toi, où tu vas et ce qu'il y a eu auparavant. Ok, bah écoute, j'ai commencé à sortir mes clips il y a un an. C'est une série de clips qui s'appelle HDC, ça veut dire heure du crime. Donc là, le son qui est sur la mixtape s'appelle 2K, ça veut dire Kelkal Khaled. Et en gros, ce son-là, c'est le HDC DS7. C'est le septième que je sors. C'est le septième. Voilà. Donc celui-ci, en fait, ouais, tu les numérotes, c'est ça? Voilà, je les numérote tout simplement. Les retrouver facilement. Voilà, bah, vous allez sur ma chaîne YouTube, Hussein Boy Officiel. HOU2SEIN, Boy, BOY et officiel. Bon, Alonso, un petit mot. Voilà, eux, ils font totalement partie des générations que tu scrutes, que tu écoutes forcément. Voilà, exactement. Il y a aussi non seulement le son, mais il y a l'image qui va avec. L'image qui va avec. C'est ce qu'il disait, il y a forcément des freestyle vidéo qui sortent. De qualité, c'est un artiste que Spike Miller m'a fait découvrir. Tu n'en as pas salué Spike d'ailleurs. Spike, il est là avec son ordi, très sérieux ce soir. Je croyais qu'il faisait un son, mais non, il est. Ah, on sait il pas, est sur des sites bizarres. Capot des Capis volume 2. Déjà, ouais, ça va pas de temps. Donc Spike Miller te parle. Il me fait découvrir, donc je vais voir justement ces HDC et je tombe sur un personnage très charismatique avec une plume bien aiguisée, propre à lui. Voilà, je suis tombé sous le charme directement. J'étais en train de faire mon album, donc Règlement de Compte. Je l'ai appelé sur un morceau, comme il t'a dit, qui s'appelle Bronzé à vie, un morceau bien patate. Aujourd'hui, je suis content, on marche ensemble, on s'envoie les sons, on s'appelle souvent. Il est en préparation de ses projets, je lui souhaite le meilleur, je pense qu'on va entendre parler de lui. Voilà. Très bien, donc à guetter, ouais, qu'est-ce qui va se passer pour toi là, dans les mois qui viennent? Bah écoute, dans les mois qui viennent, moi je vais terminer ma série d'HDC, qui est bientôt finie. Donc combien de numéros Donc, normalement, je dois aller jusqu'au 10. D'accord. Je dois boucler la boucle. Donc il en reste 3, grosso modo. Il en reste 3. Ça vient du 9-4. Voilà, 9-4. Haute-Nou. Villiers, Haute-Nou. Et puis après ça, normalement, je sors même ma petite mixtape qui sera gratuite, c'est sur Mixtape Haute Culture. Le temps de préparer mon album qui sortirait plutôt début 2016. Donc plutôt 2016 pour la sortie de l'album. Voilà. Et puis c'est vrai que tu représentes, tu disais, les Haute Nou, il y avait Nesbill aussi. Voilà, je sais pas s'il a fait partie des références, des gens que tu as beaucoup écouté aussi. Bah ouais, forcément, oui. Ouais, j'ai beaucoup écouté Nabil. J'écoute, écoute, c'est simple, moi, t'as vu, dès que je flash sur quelqu'un, je l'écoute. Tu vois, donc Nabil est de mon quartier, j'avais pas le choix de ne pas l'écouter. je kiffe fort ce qu'il fait, tu vois. Donc voilà, donc ça y a pas de souci. Puis voilà, hein. À Londres, j'ai fait partie aussi des gens que j'écoutais depuis. Puis voilà, bah aujourd'hui je me retrouve dans ces projets et je suis plus que content, quoi. Bon, on découvrira le morceau tout à l'heure, non? Ouais, je pense que, tu sais quoi, on va mettre son morceau qui figure sur la mixtape. Maintenant là, tu veux qu'on le balance maintenant? Non, ou comme tout à tu veux, ça dépend. Comme tu veux, toi, c'est toi qui chante. On va laisser saliver un peu le public. Voilà. Le morceau est très très très énervé. Mais oui, parce qu'on n'a encore rien balancé. La première fois que je l'ai écouté, écoute, j'étais en train de faire ma machine à laver. Tu vois, tu sais, je fais un peu des corvées chez moi. Donc je range mon linge et tout. Et j'ai l'impression que je me suis fait électrocuter. J'ai arrêté. J'ai pas écouté jusqu'à la fin, je l'appelais. Je lui dis, je n'arrive pas à écouter le morceau jusqu'à la fin. C'est quoi ce premier couplet, Tchifou? Et il y en avait encore deux autres derrière. Et il y en avait encore un autre bien aiguisé. Un autre. Donc, on va laisser saliver les gens et vous allez écouter ce morceau-là, cette boucherie. Eh ben, ne bougez pas, c'est dans un instant. Alors, peut-être un son de la mixtape Capot Décapi, hein. Un de tes titres. Ouais, tu sais, il y en a assez, il revient. Il revient beaucoup. Okay. Il revient beaucoup. Si tu veux, on peut se balancer. Il y en a assez plein. On va balancer et puis juste après, je vous proposerai. On va faire une équipe très simple. Spike et Hussein, vous allez être ensemble. Ouais, tous les deux face à Alonso. Vas-y. C'est un petit quiz marseillais, donc tu pars avec un peu d'avance. C'est pour ça que je dis ça. Ok, d'accord. Quiz marseillais. En fait, il est plus que un contre nous alors. Rappelle-nous le morceau qu'on met maintenant, Alonso. Il y en a assez, pourquoi pas. Il est demandé. Et ben, c'est un des morceaux, il y en a assez, extrait du projet qui sort. Yes. Capot Décapi volume 1, dès demain ou tout à l'heure, hein, pour ceux qui précommandent dès maintenant. Ok. Alonso sur Skyrock, c'est parti. Ah, boy. Capot Décapi en précommande, mamé. Ça sort à 1h du matin. Merci du soutien. Sur le terrain, gros engins, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. J'ai de la frappe, j'ai de la sap, vide ton sac, moi je m'en tape. Tu veux m'abattre, Google Maps, je vois que tu m'attaques. J'garde mon abs, j'ai la mentale, pas de pare-balles. J'ai des bites sales, encore parental. T'es pas content, ben nique ta maman. J'ai pas ton temps, y'a de l'argent manquant. Fais pas le gérant, t'es un JN, t'es un client, crédit pour du pollen. Tu sais pas rapper, ne me demande pas un feat. Voilà, je vais te traumatiser devant ta chienne. J'suis au TK, avec Isnar, y'a les motards, c'est gros bâtard. Fume un pétard, j'fais de la barre, dans une heure j'ai rencard. Avec un gros boulard, j'rappe mieux que toi, toi, toi, toi, toi. Toi, que tu le veuilles ou non, Zé, rappe mieux que toi. Je le mets en I, M-A-R-S-E-I, 2-L-E, c'est le capot décapi. 1, 2, 3, soleil, le premier qui bouge son frère, on le décapite. Tu fais bronzette, t'as la jet set, on te raquette. AK-47, on compte la recette, sur la banquette. Tu fais la fête alors que t'as des dettes. Ta meuf une épave, toi tu es un cave, tu es en garde-ave. Que tu poucaves, on est en disquoir, raid, femelle, raid. Et on se taille au bled, enterrer ton cadavre. Y'en a un seul, y'en a un seul, y'en a un seul. Ça sort à 1h du matin, précommandé, Capot Décapi, mamé. C'est le volume 1, il y aura le volume 2. Des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Spike Miller au refrain. Ah ouais, c'est vrai. Sur le terrain, gros engin, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. La Somango est dans le grinder, le donneur de go est dans le viseur. Parle dans mon dos, ça arrive en Pfizer. Tous en candou, peur que du seigneur. Anti-bam, peur que du seigneur. Tu m'en restes, tu te manques, nique ta soeur. Ambiance électrique, je crois qu'on marche sur des tasseurs. Si la vie serait film, tu serais mort dans le teaser. Je fais un selfie avec mon Hadji, c'est mon Hazi. Je suis dans la zik, depuis Hazlin, je mets des Asics. Nous on agit, toi tu t'agites. Aventador, cherche Toréador, quartier nord, fork, les Mirador. Je traîne mes Nikers, dans tous les terres-terres. J'ai l'âge à ton père, j'suis un cheval de fer. Ils sont jaloux, ils parlent de nous, ils ont pas un pour faire d'eux. Merci. Ils sont si doux, le cœur tout mou. Je les brûle d'esprit comme Miller. Merci. Ma salou en poche caillou avec mon Zoulou. J'ai des clous sur mes loubous. J'ai camoufle le bambou dans ma queue. J'ai rappé au Jex, j'ai rappé au Heps. Sur ton album, j'sors ma mixtape. Je me suis pas vu briller. J'ai percé les yeux fermés. On remet ça, on remet ça. Le volume 2, j'en suis à la moitié. Je refais le temps pour le quatrième album. Je verrai sous les mains, salon bâtiment B. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Sur le terrain, gros engin, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins. Attention. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. T'attacher à moi, une mauvaise idée. C'est la fin du mois, tu ne peux plus retirer. Les rappeurs me tiennent la mano, je les fais traverser. Je veux une fille de joie, ma femme a s'égleuré. 15 ans sur le terre-terre, on est dur en affaire. Je sais les satisfaire, mais je sais pas aimer. 15 ans sur le terre-terre, on est dur en affaire. Je sais les satisfaire, mais je sais pas aimer. Dédicace à ceux qui font avancer le rap marseillais, Vizi. Gros dédicace aussi à MOH qui prépare son projet. Gros dédicace à tous les quartiers nord, Guiri Mafia. C'est Skyrock et c'est un extrait de Capo des Capis. Il y en a assez à l'instant, ce morceau qui sort aussi là dans, allez, dans quelques heures pour ceux qui ont précommandé. Allez-y, continue à précommander. C'est ça. Le projet d'Alonz ou dès demain en magasin un petit peu partout aussi. C'est ça. Il y a le clip, je crois, il a atteint les millions. Je pense, il y en a assez. On a tourné ça au Maroc. Ce qui est toujours très sympa. C'est très sympa. Dans un désert aride. Oui, c'est vrai que les images sont belles. Hein. Ouais, franchement, grosse dédicace à Beatburns aussi. Franchement, c'est eux qui ont tourné le clip. Ils ont signé pas mal de clips tout le long de ma carrière. Ils ont toujours été avec moi. Donc, big up. Merci, la famille. Alonzo face à Spike Miller et Hussein ce soir qui est là aussi. Waouh. Une équipe. Face à un mec en solo. Alors, mais tu pars un peu avec un petit pour ça parce que tu pars avec un peu d'avance. C'est un quiz marseillais. C'est-à-dire que tous les artistes que vous allez entendre ont évidemment un rapport fort avec la ville. Ouais. Premier extrait, donc attention, il faut que ça dégaine très vite. Hein. Ok, ok. Tout le monde est prêt ? On y va. Ok. Qui c'est ? Jules. Oh putain, oh, tu sais quoi ? J'ai fait ça. Et t'as vu le petit coup de vis de Spike ? Non, mais je vais t'expliquer aussi. Spike, c'est Brigante, évidemment. Non, Spike, c'est un DJ. Ah oui. Donc, Spike, tu sais, il a l'habitude des premières notes. Tu vois, pour voir comment le public réagit. Ah oui, c'est vrai, en même temps. Donc, c'est vrai que tu et le temps que je fasse ça, il avait déjà sa bouche sur le mic. Il était vite, hein. C'est Spike qui a de l'avance, en fait. Chapeau, Spike a été vite. Ah oui. Bravo, Spike. Bravo. Attention, on va voir si tu veux. Donc, un point pour l'équipe, Spike. Allez. C'est moi qui décide. Ok, ok. Le truc est arrangé. Ok. Ne commence pas à vouloir compter les points. C'est moi qui fais le compte, Spike. Ne t'inquiète pas. Ok, let's go. Deuxième extrait. FF, Ayam, on ne vit qu'une fois Bad Boy de Marseille. Akhenaton. Akhenaton. J'ai un sacré Akhenaton. C'est bon, Akhenaton. Bon, allez, on te le laisse. En effet, sur le projet d'Akhenaton. Fallait être précis. Bad Boys de Marseille. C'est vrai. Bon, quel souvenir t'as, toi, de ce morceau à Londres ? Parce que vous étiez la génération juste là, hein, ouais, juste après. J'ai un souvenir d'un groupe d'OVNI qui s'appelait la FF, qui ont débarqué sur la planète Mars et dans toute la France, qui ont marqué toute une génération à travers leur vérité, leur rage. Dans leur chanson, tout simplement. Et on le rappelle, donc malheureusement le concert est blindé. Malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est pour soutenir Pawn, évidemment, de la FF. C'est le 19, c'est samedi, c'est à l'Espace Julien, concert historique. Historique, la reformation de la Funky Family. De la Funky Family. Ils auraient dû prendre le Dôme de Marseille. Tu sais, je leur avais dit, ouais. Mais peut-être. Mais c'est bien, écoute, peut-être. On sait pas, peut-être que. Qui sait. Voilà. Qui sait, voilà. Inch'Allah, comme le disait le premier album. Et un gros bisou à Pawn. Et bah ouais, une grosse pensée pour Pawn. Donc on en est un partout, dis donc. Puisque le point a été quand même laissé, tu vois. Ouais, gentiment. Je vois. Alors attention, celui-ci, j'ai envie de dire qu'Alonz va trouver, mais sait-on jamais. C'est la rapidité qui compte. Extrait. Soprano. Replay. Le ralenti. Non, le point, il est pour l'équipe. Il est pour l'équipe de Hussein et de Spike. J'avoue. Putain, il articule vite, bordel. Normalement, franchement, je rappe boulot là. Putain, je rappe vite normalement. Putain. Fresh Prince, tu as loupé Fresh Prince. Mais je l'ai pas loupé, on l'a dit à un centième de seconde. C'est quoi, c'est le cerveau ? Désolé. Il y a un ralenti sur le cerveau. Je crois, ça va pas ce soir. Bon, alors attention, nous en sommes à 2-1 pour l'équipe de Spike et d'Hussein. Quatrième extrait. Attends, deux secondes, oui, parce qu'il faut quand même que j'explique. Oui, on l'a inversé parce que c'est tellement facile qu'on a été obligé de l'inverser. Écoute. C'est psychiatre. C'est psychiatre. C'est visage de la honte. Oui, bravo. Le mec, il arrive à reconnaître ses morceaux à l'envers. Même inversé. L'esprit qui tourne à l'envers. Voilà, je pense. En fait, j'aurais dû mettre tous les extraits inversés. En fait, je crois. À Londres, on aurait dû mettre tout inversé. Ouais, truc. Oh, j'allais dire Stromae tellement. Après, j'arrive à Stromae, c'est pas à Marseille, mais. Non, c'était le visage de la honte. Nous en sommes à 2-2. J'ai envie de dire que maintenant, attention, c'est le super point, le gros bonus. Celui qui trouve cet extrait. Alors, je rappelle le principe juste. Parce que vous allez me dire, il n'y avait pas de Marseille ici. Ça vient de Marseille. Pour la simple et bonne raison, écoutez cet extrait. Qui est-ce ? Celui qui trouve remporte ce quiz. Qui va trouvé. C'est pas. Ouais, alors, City. Ah, bien joué, déjà un demi-point. Lanko et. Chalane, c'est qui ça? Et qui est-ce? Ça me dit quelque chose de. Une meuf qui a eu plusieurs vies. Qui a eu plusieurs vies? Ouais, c'est ça. C'est qui? C'est Nabila. En idée, il y a eu un geste. Mais oh, j'ai fait un geste pour donner un indice. Non, Momo, t'as pas filmé, j'espère. Hein. Ah, c'est Clara Morgane. Voilà, bravo. Oh, merci. Hussein connaît ses classiques. Il connaît ses. Wow. Et pourquoi Clara Morgan, oh, vous allez me dire, ouais, puisqu'elle. Ah, parce que t'as kiffé, gestuel en fait. J'ai kiffé, j'ai kiffé le geste de Fred. C'est vraiment dommage. Qu'on l'ait pas vu à l'image. C'est un indice. J'ai fait un petit indice léger, discret. La vue gestuelle, elle a dit plusieurs vies. Avec toute ma classe, quoi. Avec toute ma classe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on a gagné quoi. Et alors, l'album d'Alonso, la mixtape d'Alonso, qui sera dédicacé. Bravo à vous. Voilà, les gars. Et Clara Morgan, puisqu'elle est née à Marseille, voilà. C'est vrai ça, c'est vrai ça. C'est vrai. La boucle est bouclée. Bravo les mecs. Hein. Bon bah bravo en tout cas. Le resto ce soir. Allez, ça va. Allez, ça marche. C'est pour moi. Ça marche. Dans un instant, ne bougez pas, on mettra enfin le titre de Hussein peut-être. Ah. Extrait du projet Capot Décapé. Exactement. Voilà. Ne bougez pas. Ceintures. C'est juste après ça. 20h, 21h. Alonso dans Planète Rap. Skyrock. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planète Rap. Alonso. Alonso avec nous entre 20h et 21h. Ah, Alonso qui a perdu il y a quelques minutes un magnifique quiz qu'on lui avait prévu et qui va donc devoir raquer le resto. Quelle dernière question. Waouh, putain, bravo Hussein. Hein. Bravo Hussein en tout cas. Tu peux me rendre utile, écoute. Ouais. Qui est là avec nous et qui est présent sur ton projet. Ouais, parce que là, il est bien utile aussi sur le projet en même temps, j'avais dit. De fou malade. Il amène encore une autre couleur, autre chose. De fou malade. Voilà, et je me languis que les gens découvrent. Ben, oh. Là, maintenant, alors, c'est gros morceau. Éloignez-vous, parce que tout à l'heure, tu nous racontais ton histoire avec ta machine à laver. Ouais, donc reculez. Reculez de toute. Reculez. De tout appareil électrique. Exactement, électrique. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Et écoutez, c'est nouveau, inédit encore. On vous régale. Voilà. Écoutez ça. Donc, si peut-être on peut mettre le son très fort là. Là, tu peux faire là. Oui. N'aie pas peur, Fred. Là, on peut y aller. Hussein. Tu peux y aller. D'accord. Allez, c'est extrait du projet Capot Décapi d'Alonso. Hussein. Shenka, Otnu King, Bossa Yakuza Boy, Ah Boy, Capot Décapé volume 1 Boy, Ah Boy. Dead Danger, y'a du bétail aiguisé les ch'tasses. Trop d'armes que dalle derrière mes alcages. Les défourailles tous rafales de Rechav. Mes boys disent que j'ai le bec sale. Y'a qu'il y a un détail qui m'échappe. Je vais devenir Yakuza du Bossad. On va te faire tapiner ma geisha. Pas de marchand de sable vampire de la night. Elle est hard mais j'kiffe ma life. En bas du hall spliff coca light. Full up de dingue j'passe du coca light. J'conseille à tous les MC Jets 7 heures de monter leur garde. Je peux carrément les hacker et je jure de ne pas toucher la down. Juste le temps d'allumer le spa. Dorénavant c'est moi qui prends la parole. C'est pas les artistes mais le game qui rend pas haut. C'est soit je mets des KO, soit je me défoule au pao. Je peux décamper si t'es pas OP. Si t'es une snitch ou une salope, nee. Nous c'est la rue qui nous a coachés. Fuck you pour éviter de dialoguer. Dans le béton armé de mes hauts nous je me suis fait les dents. Je vais chasser des mappés, ça j'ai des frais kilométriques dans les champs. Pourriture de haine, regarde bien ma pipe dans l'écran. Plus toque-ma que la quenelle, j't'enfonce ma trique d'éléphant. Je le dis pour la première et dernière fois, j'suis un stratège, pas un hacker. J'envisage un remake de la guerre froide, alors enfilez vos Canada à gousse. J'navigue dans ce game pour la poire sky balèze. J'ai pas de canapé, j'mets un harpon à baleine. C'est 4 calés dans le placard à baleine de mes ennemis, c'est mon côté gueule. M'a tatoué le fœtus. Tu veux parler vécu? Je fais cramer ta laitue. On graille pas des légumes. Ton cadavre on déguste. Ils savent pas que l'eau est dure. Mais ils ont quoi dans les burnes? Prenez place dans l'Airbus. C'est du rap indépur. Mets mon place dans les urnes. Le rap est mort. Mais mon kiff c'est les vinyles de Marley Bob. Les nœuds baffent sur moi des lol. Mergo m'envoie ta déloge. Pour elle je suis le best. Ah quel homme. Jeune que man. Je vais pas jouer le corps. Pour toi j'ai un projet classé gore. L'autographe de ton arrêt de mort. Calibré de connaissance, t'as les cartels nord. Dis-moi c'est qui le king, dis-moi qui le donne. dis-moi que je kill, dis-moi quelle porte. Monangazidja, Al-Jazair, je suis noir et beurre, la carabine, génocidaire, qu'est-ce qu'il m'arrive, Saïd Al-Maoui, baisse les bleus marines. Pour ma mâche, mon tout casse-pipe, quitte à prendre du placard à vie. Je trempe mes mains dans la mouise, la popo joue les arbitres, je suis un forcené, dur à cuire. Y'a la foule qui marcelle, je pédave un spliff en backstage, je zénith en tongue et Marcel. On veut du cru dans l'assiette, plus de spi qu'un dragster, jamais on tombe en panne sèche. Je le dis pour la première et dernière fois, je suis un stratège, pas un hacker. J'envisage un remake de la guerre froide, alors enfilez vos Canada à gousse. Je navigue dans ce game pour la poire sky balèze. J'ai pas de canne à pêche, mais un harpon à baleine. C'est 4 calés dans le placard à balais de mes ennemis, c'est mon côté quel cal khaled. Quel cal khaled. Quel cal khaled. Quel cal khaled. Quel cal khaled. Yes, t'as râlé, t'aimes pas vacaner. Écoute la vaillette, étouffe-toi avec. Étouffe-toi avec. Tu me fais mal à la tête. Old New District Boy 94 350 villes sur main. Ah boy. Capo des capi volume 1 boy. Ah, fallait chaud. S'écarter, hein, fallait ah, s'écarter. J'ai là. Chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Ou alors fallait bouger à la maison, si ah, vous étiez à la maison en la voiture, peut-être vous êtes mis sur le côté. Voilà, tout c'est... ça c'est dans Capo des Capi. Voilà, Capo des voilà, Capi mes amis. Qui sort là dans quelques heures maintenant. Dans quelques heures, précommandé. Le physique est magnifique. Encore une fois, big up à Coria pour ceux qui vont se déplacer. Allez l'acheter, merci beaucoup. Et vous vous retrouvez donc Hussein qui est là aussi avec nous. Ouais. Avant la sortie de tes projets, donc tu disais, toi, il y a une mixtape gratos qui arrive. Voilà, elle va arriver. Et un album. Culture. Et un album début 2016. Début 2016. Voilà. Et puis en attendant, donc les vidéos de ces morceaux notamment aussi. Voilà. Il y aura la vidéo justement il y aura la vidéo. De Quel Cal Khaled. Qui sortira normalement sur la chaîne YouTube à Londres. Yes. Un voilà. Petit mot quand même sur le nom de Khaled Quel Cal, hein, qui a marqué les années 90, on peut le dire. Voilà. C'était c'est quoi? C'est plus par rapport à la violence du morceau. Bah en fait, c'était par rapport à la violence du morceau, par rapport aussi à l'histoire de Quel Cal Khaled aussi. Et puis aussi le fait que je sois moitié algérien. Je suis algérien comorien, tu vois. Donc voilà, bah je jauge, hein. Des fois j'ai envie de mettre mon côté algérien en avant, des fois je vais mettre mon côté comorien, mais c'est la même, tu vois. Mais voilà, tu sais, pour moi, en figure emblématique algérienne en France, voilà, bah j'ai pensé à Quel Cal Khaled, tu vois. Bon, il y en a d'autres aussi, hein. Je suis rassuré, il y en a d'autres. Ouais, ouais, c'est plus ce côté égo trip. Voilà, c'est le côté égo trip. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas fait un son sur, je sais pas, Samina Seri ou de... Voilà, tu voulais. Non, mais t'as capté, je voulais un côté explosif en fait. Un côté explosif, ouais. Et, ouais, le côté explosif, si c'est pas Quel Cal Khaled, je vois pas c'est qui. Tu veux dire ou quoi? C'est vrai. Merci. Bon, merci en tout cas d'être là avec nous ce soir dans l'émission. Dans quelques minutes, il y aura un live à Londres. Tu nous feras le finilé. Ouais, je crois que je vais faire finilé. Spike, un live. Ouais, finilé. Qu'est-ce que t'en penses? Le morceau qui nous surprend tous les week-ends quand on fait les showcases. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est la vrai folie. Il n'y a plus de code. C'est la folie. Il n'y a plus de code. Tu sais, quand je vois des vidéos sur Insta dans toute la France, des DJ jouer finilé en club. Tu sais, en club, tu as besoin de... Soit tu check ton booty, soit tu funk, soit tu... Mais là, le morceau, c'est quel style de musique, pire, Spike? La dernière fois, comment j'ai on fait snap, pour passer ça la en musique club. De Comorée Nouveau. J'ai vu un snap dans une pool party c'est... à Marrakech, dédicace à DJ Babs d'ailleurs. Yes. Pool party à Marrakech, finilé. J'ai dit waouh, ça y est, il n'y a plus de règles. Il y en a connu secrétaire de la piscine. Voilà. Ça a dû être beau. Bon, ben on écoutera ce morceau en live avec Alonso dans un instant. Juste avant, je vous présente Kenya Style de Savigny-le-Temple. Yes. Salut. Ça va bien, mademoiselle? Salut. Bonsoir. Ça va et vous? Eh ben, écoute, bonsoir, Alonso. Ça va? Cool. Eh ben, je te présente Spike Miller qui est là avec nous. Hussein aussi, tu écoutais rapper à l'instant. Le morceau qu'on a passé qui est extrait de Capo des Capi. Toi, tu viens freestyler, chanter? Qu'est-ce que tu viens faire? Freestyler. Eh ben, c'est parti, on t'écoute. Donne tout okay. Style. Bref. Je suis pas récrosse, mais je te dis quand même, ouais. Bitch, j'aime le boss, du coup, tu comprennes, ouais. Les riches, tu le temps, tu les pauvres. Je veux pas avoir la vie, un retrait, ça l'avoir en mots. Je suis pas récrosse, mais je te dis quand même, ouais. Bitch, j'aime le boss, du coup, tu comprennes, ouais. Kaima, t'inquiète, je contrôle. ces macros de contrôle. Oh, la banlieue est sale comme le liquide qui en découle. Mais bon, les arbres rouges, y'a trop de sang qui coule. Tu veux la piste un quart de pierre autour de flammes. Je transforme le but au mât pour que ton bal autorap se dégrade. Même prendre du grade, garde, garde à vous. Kano, Mike, ouais, ouais, on est fous. Va-t-on respirer, va me couper le souffle pour reprendre le leurre. En fait, je suis venu remettre les pendules à l'heure. Elle t'a dépouillé en un battement de cils. Si t'as les tablettes, ta meuf peut devenir tactile. Si ma goutte d'eau a fait déborder la scène, les gouttes de mon flot feront déborder ta haine. Le rap, une histoire bonne âme, je passe le mic, telle une paire de couilles. Je cours pas, pas les sommes, mais je mets plus une douille en bleu chelou et universal. Ils vendraient leur mère pour signer chez Universal. Toujours le même refrain, tu connais les bails. Tu connais les bails, moi c'est Kaena Style. Je suis Paris Cross, mais je te dis quand même, ouais. Bitch, j'aime le boss, faut que tu retiennes, ouais. Yes. À l'instant, ça kick, hein. Ça kick, ça phase, c'est... D'ailleurs, Alonso, j'ai remixé votre son de Psychiatre de la Rime, African Money en banlieue harmonie. Donc si t'as la curiosité, faire des tours sur les banlieues harmonie. Ouais, ben ouais. Je vais écouter ça. Je vais aller voir ça. Moi, j'écoute tout, je regarde tout. Tu as bien raison. En plus, instru wow. Faite par Monsieur Spike Miller qui est les mal refait. Avec alors, attention. Ah, ouais, Spike Miller, il voulait te parler. Je connais ça au niveau instru, il avait fait, je crois, pour Street Lourd, il avait fait des instru de ça, j'avais bien aimé, ouais. Merci. Spike a un très très gros CV, monsieur Spike Miller, waouh. D'ailleurs, ouais. si tu as bien taffé, peut-être qu'un jour, tu auras une prod signée Spike Miller. Qui sait. En tout cas, chapeau, Inch'Allah. Bravo pour ton freestyle. Merci beaucoup. Et donc rassure-toi, en tout cas Spike va aller écouter dès ce pas, dès maintenant. Il va aller écouter. Ouais, c'est le clip Banlieue ça s'appelle. Il y a encore le clip. Il n'y a pas encore le clip, mais ça va arriver. Et normalement, okay. Demain, à 8h du mat, les huissiers arrivent. Donc, bon courage à toi, Je t'en fais plein de bisous. Ciao, passez. Ah, mais j'ai oublié de te dire, Beats by Dre aussi, le casque. Oh, ah oui. Lequel? Puisque le film est sorti hier, le film N.W.A., le film qui retrace l'histoire lequel de casque Beats by Dre. Ah bah, sois pas trop technique, je vais te montrer la photo. Ok, d'accord, parce que franchement, il y a mon gars sûr et certain, Sid, qui a un casque Beats by Dre, il est énorme. J'ai envie de lui voler, mais il est trop costaud. Tu as vu comment il est? Je sais pas si on le voit. Non, moi j'attaque pas Sid pour le casque. Wow, j'attaque pas. En tout cas, pour toi, Kaena Style, on t'envoie ça rapidement du côté du 7-7. Le casque c'est à l'occasion gentil. De la sortie du film N.W. Bon qui courage. Est sorti hier et qui est. Je peux passer une dédicace vite fait ou vas-y, pas? Vas-y, on t'écoute. Ce serait pour mes meilleurs amis, Jenny, Endogo et Willou. Tous les trois, je vous kiffe, merci. Ça roule, voilà. Bisous, Kaena Style. Ciao. Bisous. On écoute un morceau, Alonso, avant de passer au live. Inédit un peu, je sais que les gens ils écoutent Planet Rap pour avoir des inédits. Oui, ce serait tu bien. Vois, même si inédit. Je pense que, tu sais, on est jeudi, les livraisons des CD sortent le jeudi. Il est possible qu'il y ait quelques fuites. Ouais, je pense, à mon avis, je regarde pas trop les réseaux sociaux, donc. Il est possible qu'il y ait quelques fuites. À mon avis. Donc, on va se faire plaisir, on va balancer. Spike, c'est quoi? C'est Squat? Squat. Et, morceau atypique. Très je pense que Fred va aimer. Ouais, je pense que Fred va aimer. Pousse le son sur Skyrock et tu vas voir. Mais j'espère que je vais pas être le seul à aimer surtout. Tu risques de bouger sans faire exprès. Tu risques de voilà. Et ben allons-y. Twerker sans faire exprès. Je vais squatter la piste de twerk. C'est parti. Je sais que t'es une bosseuse, je sais que t'es une boxeuse. T'as pas de gros seins d'estresse, j'aime les beaux pieds et les grosses fesses. Je sais que t'es une bosseuse, je sais que t'es une boxeuse. T'as pas de gros seins d'estresse, j'aime les beaux pieds et les grosses fesses. Ok. Un dernier coup d'œil dans le rétro, je vois la concurrence dans une saxo. Je vais les fumer comme un perso. J'suis dans le club et dans le terre-terre. Tu m'écoutes quand tu soulèves des haltères. Guino mon numéro uno. J'suis sur Jupiter, hey. Aller-retour Marseille. Là où ça prend des peines à des chiffres ou des histoires de bédo. Mais pas dans les mains sales. Je fais du rap sale. Les bourgeois deviennent pâles. Râle, poudre. J'ai commandé une paire. Puis cinq paires. Puis sept paires. De Yves Saint Lolo. J'ai demandé un verre. Puis 12 verres. Puis 15 verres de Limoncello. Je m'en bats les couilles, je suis avec Sid, Smogo, Spike et Zaka. Mauvais mélange, surveillez-moi, voilà, ça sent le blackout. Je m'en bats les couilles, je suis avec Sid, Smogo, Spike et Zaka. Exclue ma mère. Surveillez-moi, je crois qu'elle a mis un tanga. Je sais que t'es une bosseuse. Je sais que t'es une boxeuse. T'as pas de gros seins de stress. J'aime les beaux pieds et les grosses fesses. Je sais que t'es une bosseuse. Je sais que t'es une boxeuse. Avis à tous les DJ de France. J'aime les beaux pieds. J'arrive. Allez, fais du squat. Squat, squat, squat, squat, squat, squat. Allez, fais du squat. Squat, squat, squat, squat, squat, squat. Oui, oui, fais du squat. Squat, squat, squat, squat, squat, squat. Bébé, fais du squat. Squat, squat, squat, squat, squat, squat. Tu changes de visage quand je suis dans les parages. Vocal et le braquage, ils font que du jacquage. Je suis avec mon équipe en backstage. Y'a du jaconnet, on prend pas la neige. Donc passe-moi une massage. Je vois que tes fesses clapent. Tu twerk, je mets des claques. Le zin fait un snap. Les pas bonnes mérites, mais pas un snack. Me fais pas de manière de ton cul, je suis actionnaire. Sur le mille RR, clair. Puta dans le barrio, à la radio. Les rappeurs descendent comme mes Weezer BS Pacquiao. Sur ma chaise de Cali, comme un gérant gavé. Je vois les civils rentrer et ça rend bio. On s'en bat les couilles, on bouge à Maranello, mi hermana. Comme rien nouveau dans les affaires, c'est du m'caracara. On s'en bat les couilles, on bouge à Maranello, mi hermana. Comme rien nouveau, je suis malade, polygame comme papa. Je sais que t'es une bosseuse. Je sais que t'es une boxeuse. T'as pas de gros seins de stress. J'aime les beaux pieds et les grosses fesses. Je sais que t'es une bosseuse. Je sais que t'es une boxeuse. Wow. T'as pas de gros seins de stress. J'aime les beaux pieds et les grosses fesses. Allez, fais du squat. Squat, squat, squat, squat, squat, squat. Allez, fais du squat. Squat, squat, squat, squat, squat, squat. Oui, oui, fais du squat. Squat, squat, squat, squat, squat, squat. Bébé, fais du squat. Squat, squat, squat, squat, squat, squat. Elle a jobé, elle a des crampes. On l'a zioté, elle est contente. Dans le carré, on est 50. Tu sens mauvais, non je suis méchant. Elle a jobé, elle a des crampes. On l'a zioté, elle est contente. Dans le carré, on est 50. Tu sens mauvais, non je suis méchant. Non je suis méchant, hein. Je suis mauvais. Non, non, non, vous êtes mauvaise vous aussi. Wallah, vous êtes très mauvaise. Ah, mais c'est vrai que ça sent. Ah, je sais pas c'est qui, mais... Squat, squat. Abyss à la prod, Zaka 2054, mamie. Vrai. À l'instant, donc, ce morceau qui s'appelle Squat. Vrai, vrai, vrai. Il est né comment celui-ci? Petite anecdote sur celui-ci ou pas, messieurs? Waouh, waouh, wow, celui-là, c'est. Je vois, on rigole dedans. C'est, on n'y croyait pas. On s'est dit, bon, on part sur un délire et on va dormir. Ça donne envie, on n'y croyait pas. On s'est pas rêvé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a posé en fin de soirée, on s'est dit, bon, allez, waouh. Voilà, sur une prod de Abyss One et Zaka 2054, on a écouté, on s'est dit, ouais, un truc comme ça, ça peut glisser. On a posé le yaourt et voilà, on s'est dit, voilà, je sais pas si t'as écouté les paroles. Et on s'est dit, bon, vas-y, on pose ça, on va dormir, on reviendra demain. Ouais. On verra demain. C'est vrai que ça nous arrive, ça, des fois, de pas avoir la clairvoyance directe parce qu'on est fatigué. Et le lendemain, alors? On va réécouter demain. Et le lendemain, il y avait des collègues à nous, ils étaient là et c'était une maquette. Et bouger la tête comme ça. Et bouger comme ça, je me suis dit. Donc ça c'est un bon signe. Et voilà, je commençais à bouger moi aussi. Je sais pas. Oh merde, il se passe quelque chose. Spike qui bougeait aussi d'un seul coup. Ouais. Et voilà, tous la maladie et on bougeait comme ça. T'sais. Donc voilà. Le morceau, il est gardé, il est sur le projet Capot des Capis volume 1. Encore une fois, quand tu rentres en studio, tu sais, on rentre pas en campagne électorale, on rentre pour s'amuser, c'est une passion avant d'être un métier. Et c'est très important de le souligner. Eh bien, un petit peu de passion maintenant en live. Tu veux bien, Alonz? Tu es prêt? Finis-les. Ouais. Est-ce ouais. que tu es prêt? Oui, bien sûr, toujours. Spike, est-ce que tu es prêt aussi? Toujours. Aussi. À balancer l'instru. C'est parti, session live dans l'émission maintenant. Yeah, mamé. Grosse dédicace à tous ceux qui ont posté ce son. Dealer. Ils croient qu'ils sont forts, mamé. Petit mesquine, ouais. J'suis là depuis Luciano, ouais. Get out shit, ouais. Parlons français, ouais. Tu n'as pas percé, suis fini les. Même mes enfants innocents ils disent papa fini les. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Hey, vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans le rap, star pour moi. Je reste que par amour ou pour les avoir. Faut que ça soit rentable mais qui rivalise. Qui j'ai pas du visage, vais te baiser ta race, ramenez-moi un calibre. Si ça part en couille dans le rap game, enterre-moi à Fumbuni. Ma patrie. Protéger ma mère si elle est sous. J'ai pas fini. On dit que je rappe pour les minots. 82 ans, j'ai pas mûri. Toujours crapuleux sur le panneau. Qui le sait? Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim, finis-les. Je reçois des appels, des bombes, des quartiers chauds. Marseille me dit finis-les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie finie. Mais mes enfants innocents ils disent papa finie. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans le rap, ça pour moi. Je reste que par amour pour les avoir. Les rappeurs bas. J'emmène à boire, j'vous pisse à l'arrêt. Si un bâtard, dis-moi qui sont ces pelles. Dis-leur que j'suis Alonzo. J'vous fais haggard, j'suis le capi des capos. J'suis le capi des capos. Dans les voitures, en prison, salon, Baumette, l'huile, la farlette, Nîmes, Grasse, Souleymane. Grosse dédicace à ceux qui suivent le capot des capis sur les réseaux Instagram et sur Snapchat, mauvais mélange mamé. Grosse dédicace à tous ceux qui soutiennent de près ou de loin le projet capot des capis. Skyrock, Marseille, Kassim. Dealer. À l'instant en live, fini les. C'est extrait du projet qui est dispo là dans quelques heures maintenant, la sortie du projet d'Alonzo, la mixtape où vous retrouverez aussi Hussein qui est là aussi avec nous ce soir dans l'émission. Yep. Où vous retrouverez Spike Miller aussi. Qui oui, toujours. Ouais, c'est au refrain de Y en a assez. C'est mon premier son. Ouais, quand est-ce que tu poses, toi? Quand est-ce que tu poses, Spike, là? Quand j'ai posé sur Y en a assez. Non, mais la mixtape, Spike. Ça arrive, tout doucement. J'ai fait, j'ai envoyé des sons club bientôt. Et bon, on attend ça avec impatience. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette dans un instant, on finit avec Normal, messieurs. Normal, morceau emblématique de la mixtape, ouais. Premier extrait. Premier extrait qui avec fait un véritable Jules. Carton, hein, celui-ci. Ça se passe très très bien, c'est la folie en showcase. Allez, Normal sur Skyrock et après la roulette qui tourne. Le bon Dieu m'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jack Mel pour m'exciter. Roue arrière, y'a pas de train, j'frappe dans la cité. Ça prend du shit en lamelle et ramener. C'est toi qui fais le mac au final, tu veux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es en boule d'idée. Au pire, j'mets un masque sous le casque AGV. C'est tout la LON en direct à Pointa. C'est pour les frangins qui mettent un île en gêne. Normal pour les anciens. Pour ceux en chien qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délits de pute, c'est le béton ça. Que ça veut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça gratte toute la nuit. Mais j'ai tant de l'ennui. Ça fait des grosses peines. Des beaux mètres à l'huile. Et j'gamberge. J'fume plus, j'oublie. Sur le fait en boîte, normal. Comme but ça vole, normal. J'passe pas la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. J'lâche la plaque, normal. Paire de haut clé, normal. Attaque sans cagoule, normal. Hardcore, j'lâche pas la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. J'lâche la plaque, normal. Père de hockey, normal. En plaque sans cagoule, normal. Frère, tu es trop bizarre, j'bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là, elle est bonne prise là. Quand tu dévisages, j'vais péter le péage. C'est du l'Alonso dans le virage. Frère, tu es trop bizarre, j'bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là, elle est bonne prise là. Quand tu dévisages, j'vais péter le péage. Braque, braque, braque, y'a ceux qui volent, volent, volent. Ça sent la pince, pince, pince. Y'a du clan qui vole, vole, vole. Trop peu sans ta misère, zère, zère. C'est du petit zère, zère, zère. Trop trop bizarre, zère, zère. C'est moi qui zère, zère, zère. Ça sent graine, que ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines, des baumettes à l'huile. Et j'gamberge, plus j'fume, plus j'oublie. Ça s'engraine, ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines, des baumettes à l'huile. Et j'gamberge, j'fume plus, j'oublie. Surfait en boîte, normal. Comme du tabol, normal. J'ai pas la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. J'cache la plaque, normal. Paire de hockey, normal. La plaque sans cagoule, normal. À l'instant avec Alonso, avec Jul sur le projet d'Alonso qui sort là dans quelques heures. Demain en magasin, ne loupez pas la sortie de Capot Décapé. Exactement. Pour le week-end, ça va être parfait. Pour le week-end, ça va être parfait. Les gens, ils ont repris l'école, ils vont en discuter dans les cours de récré. Voilà. Et en plus, il y a plein de projets qui sortent. Moi, je tiens à encourager mon Che Gué qui va bientôt annoncer. Ça arrive, ça arrive. Voilà, sa date de sortie, Che Guevara. J'aime bien aussi Monsieur Niska qui arrive, je crois. Mi-octobre, début octobre. Bientôt, ouais. Ouais, début octobre. Donc voilà, tu vois, c'est une génération qui a décidé de se serrer les coudes, de non, se respect, soutenir. Ouais, et c'est très, très bien. On le voit dans les réseaux sociaux. Donc force à tous. C'est, ces ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il y a, ouais, y a un soutien qu'on n'a pas tout le temps connu d'ailleurs dans le rap. Exactement. Et plaisir, et qui fait plaisir, bien, ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est super important. Tu sais, c'est une musique de partage avant tout. Et il y avait énormément de collaborations auparavant. Tu sais, l'époque Time Bomb, Secteur A, Côté Obscur, tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a ça qui revient un peu. Donc il y a plein de mixtapes, plein de beaux clips, plein de projets. Force à tout le monde. Et voilà. C'est bon pour le rap en général. Bien donc sûr, c'est très important. Ça voilà. Peut que être bon en fait. Ça peut être que bon. C'est ça. Tu vois. Merci Hussein d'avoir été là ce soir. Juste avant de se quitter et de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transporteur héritage. Avec Walid de Luzarche. Salut Walid. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? En forme? Tu es prêt à faire tourner la roulette avec Alonso, avec Hussein du 9-4 qui est là avec nous ce soir. Et avec toi Walid du 9-5, on y va. Dès que tu veux, tu dis stop. La PlayStation 4 n'est pas tombée peut-être maintenant. Qui sait? Le jeu PES 2016. Ouh, wow, les places de ciné. Et pour Walid, c'est la totale. C'est la totale. Ah, c'est-à-dire qu'il y a les places de ciné pour toi, pour le film à pas louper, le transporteur héritage. Il y a le jeu PES 2016 et la PS4. Il a tout gagné. Walid, la PS4, elle arrive à la maison. Voilà, du côté mon de frère. Chapeau, frérot. Tiens, tout raflé. Voilà. Eh bah, terrible Walid, tu pourras jouer avec tes joueurs préférés. Ah, je t'en remercie. Une équipe préférée peut-être Walid? Le Paname, le PSG. C'était juste pour savoir. Ah mais c'est normal. Mais tu pourras faire des PSG OM, tu rigoleras bien. Ah trop facile. Ouais mais c'est normal. Quelle prétention quand même. C'est normal, chacun. Bon merci à toi en tout cas Walid. Force à toi Walid, on est ensemble. Ciao, passe une bonne soirée. PSG, c'est comme ça. Merci à Londres, demain la dernière à pas louper. Et surtout la sortie du projet. Dans quelques heures, précommandé. Merci à ceux qui ont déjà précommandé, ceux qui vont se déplacer dans les magasins. L'aventure continue. La mixtape est de qualité. Les artistes que j'ai invités, ils sont high level. Donc merci à tout le monde. Merci à Hussein d'être passé aussi. Donc merci, on va guetter un petit peu les sorties pour toi. Ouais, et puis voilà. En attendant, on te retrouve aussi sur le projet. Sur le projet, Kelka la Khaled, c'est 2K. Ça. Donc merci, voilà, merci à Spike Miller qui était là comme chaque soir. De rien, qui reviendra, je pense, c'est demain. Un plaisir. Je pense que tu reviendras demain. Oui, je pense. La dernière. Et bah loupez pas demain. Merci à vous tous. On va retrouver Difool maintenant. C'est l'heure de la radio libre. Merci Fredo. Aïe. Merci Alonso. Alonso, le retour demain avec toi Fred. 20h, 21h, le dernier rendez-vous de la semaine. C'est à pas louper. Yes. Et nous, attention à pas louper aussi le match de basket de la soirée. Bon, il y a des matchs de foot qu'on suivra également, mais surtout France-Espagne. Tu as été entraîné du foot, j'ai l'impression que tu es un peu essoufflé. Je suis arrivé en cours. Il a fait l'échauffement avec l'équipe de France. J'ai l'impression que tu étais avec l'équipe de France, en fait, tellement en symbiose. Je sors de l'échauffement, comme il disait Samy. Oui, c'est ça, ouais. Pour être à fond ce soir avec les Bleus. C'est un peu comme un France-Brésil, il a dit Tony Parker aujourd'hui. C'est un peu ça, ouais. Et bien, on va suivre ça en direct sur Skyrock. C'est un classique, quoi. Le classique. C'est ça. Classico. On suit ça dans un instant en direct avec nous, avec vous aussi. Vous pouvez nous appeler pour tout le reste. On va faire les comptes tout au long de la soirée. Je vois Marie courir. On s'entraîne tous pour le match de ce soir. La folie. Et demain, on va se remettre l'interview de Tony Parker parce qu'il était venu dans l'émission. Très bien. Et on se remettra ça demain soir. Que les Bleus gagnent ou que les Bleus perdent. On est toujours derrière les Bleus. Mais les Bleus vont gagner. On va gagner. On croise les doigts. Allez, les Bleus. Allez, les Bleus. Allez, c'est parti. Et c'est parti avec Silento. Premier son de la soirée. Il arrive tout de suite, tout de suite. Silento. Et très vite, le match de basket à suivre. Et je vous le disais, si vous voulez passer dans l'émission, vous pouvez faire les cons avec nous. Radio Libre, c'est parti. En direct jusqu'à minuit avec toute l'équipe. Fredo, rencard demain. Ciao, ciao. À demain. Pour Planète Rap. Ciao. Ciao. Skyrock t'offre PES 2016, la référence.